Picard, Ed ? Bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Cosmic Cassette, une émission fabriquée avec des cassettes. C'est la veille de Noël. On a quelques cassettes de Noël et quelques cassettes de la vie de tous les jours. On va commencer gentiment après le second jingle de Noël avec un morceau de hip-hop. Et en fait, ça sera pas du tout thématique parce qu'il va y avoir des trucs de punk au milieu. Et puis des trucs de Noël à la fin. Voilà. Allez, c'est une cassette Graffiti Tape 8. C'est une collection. Et c'est celle de Moza. J'avais été à l'école avec lui à un moment donné, avec ce mec. Et j'ai trouvé cette cassette à Berlin quand j'étais allé à Berlin. Allez. Santa Claus is coming to town. It's number one. Cosmic Kickassetta. Moza avec Gori Exfils, Exfil Estem. C'est un peu un graffeur aussi, il est connu parce qu'il fait du graffiti. Mais là je pense que c'est une collection de gens qui font du graffiti et qui font aussi de la musique. Thank you. Williams. Okay, you said you wanted to talk. Let's talk. You have the girl. I want her. As you can imagine, we're concerned for her safety. We want her return. Moza, une cassette de 2017. Et là, c'est une cassette que j'ai trouvée sur internet, en fait, que je me suis copiée. J'aimerais bien la voir. Elle a été sortie plusieurs fois par plusieurs labels. Donc, l'original, elle date de 1985, je pense. Et elle a été rééditée notamment en 1999 par. When she's safe, you'll be safe. Trompette. Un label. Trompette. Sinon, c'était un label italien, ADN Tapes. C'est Doxa Sinistra et la cassette c'est Conveyor Belt. We are in deep trouble. Le morceau c'est The Other Stranger. That's what you don't know. That's what you don't know. Signal to call the station. What for? Just to let them know. Know what? Give it a bit longer. Just follow instructions to which you know. Got 300 hot screaming kids waiting to see Leo the Lizard. You know, it's the law. It happens all the time. Sounded like a crocodile. Like imitation crocodile. That's what you don't know. I've just said you should stay in bed. Donc ça sinistre. Les morceaux sont pas du tout comme ça sur le reste de la cassette. Enfin, ils sont aussi bien, mais pas du tout au même style. Ils sont plus un peu vénère, quoi, mais pas du tout comme ça. Il y a notamment un morceau vraiment cool aussi qui s'appelle No Car No Job. C'est grâce à ça que j'avais découvert l'album d'ailleurs. Sur YouTube. Give it a bit longer. Gros pourvoyeur de cassettes. Why don't you quit the violin music? Give it a bit longer. No, they didn't. No, they didn't. I know he would never do something so wicked, and God is my witness. Carrier of the wave, around an equilibrium position. Cosmic closet. L'alma Desafio Nocturno a mi corazón. Hey. Angelo Santa Cruz qui fait ce projet avec des gens, il collabore avec des chanteurs ou des chanteuses. Et c'est une des personnes de Nueva Costa, trop bien argentin. Il était venu à Lyon une fois, il avait joué. Et du coup, il avait dormi chez moi et du coup, ben, il m'avait fait une cassette. Celle-là quoi. On n'a pas entendu. Refait. Quoi de plus vénère que ça? C'était Noël. Jean-Michel Tarque. J'avais comme ça. C'est un solo. Trop vénère. Gros spectacle, c'est vraiment cool. J'ai passé il y a pas longtemps à Lyon à l'atelier des Camillards, juste avant vendredi. Pas prévu. Je comprends pas pourquoi elle dit ça. There's no one available, so leave a message. A message in a machine that is so complicated, it goes far beyond man's imagination into an area that probes the inner depths of one's own soul. What the hell am I talking about? Leave a message. Cosmica. Donc on se calme, on va écouter de la musique chrétienne. Jusqu'à l'aube, attendu depuis des... This is a cosmic cassette and is for use only on a cosmic unit. Playing this cassette on a hi-fi or other audio equipment can cause serious damage to its speakers. Please stop cosmic cassette now. Voilà les chrétiens, et eh ben c'est pas mal, il y a des trucs bien hein, quand même. Après les paroles des fois c'est un peu chelou, mais bon, qui n'a jamais péché leur jette la première pierre, j'ai envie de dire. C'est pas un appel à la violence. Et là c'est Ramanathan. 2015, c'est le nom du morceau, c'est sur le split avec Hawaii Werewolf. Super morceau, super production. Cosmic Cosmic cassette. Cosmic cassette. Ok, donc c'était tout à l'heure, c'était Sierra Manhattan avec la chanson 2015. J'imagine qu'il faut le dire en anglais, je sais pas. Et c'était chez Abbey Records. Juste après, non, juste avant, c'était la liturgie des heures numéro 12, sous-titré Hymne du Sanctoral chez SM Productions. La chanson elle avait un nom, attends, c'était quoi? C'était Toi qui veille. Et il y a des chansons ouf sur l'abstinence et tout. Et là on va. Et oui, et du coup voilà, et après on vient d'écouter. On vient d'écouter Eretz Zavat Halav Udvash. Faut que je prononce sans doute trop mal. Parce que voilà. Et c'était Alléluia, la cassette Israel Songs. C'est des chants traditionnels, quoi. Il y a des gens qui dansent sur la pochette, c'était de la mer. Et là, écoute, je crois un vieux son à moi, enfin un vieux, c'est conseil de vieux, c'était d'ailleurs de 2015 aussi, je crois. C'est fou. J'étais à la Nouvelle-Orléans à ce moment-là, comme je vous l'avais déjà dit dans une émission. Et j'avais oublié de mettre les enregistrements des manifs. Enfin bon, vite fait quoi, en tant que d'heure. En tout cas, c'est le son de c'était le chant, accompagné des fanfares quoi. C'était assez funky. C'était assez ouf. Contre, c'était parce que Trump venait d'être élu à ce moment-là. Bon, mais ça faisait chier tout le monde hein. Voilà, à l'époque. Du coup, d'ailleurs, vu qu'on est encore à la Nouvelle-Orléans, on entend vraiment rien. On va écouter un truc que j'avais acheté là-bas. En fait, c'était le groupe. J'avais rencontré un gars qui s'appelait Corey Cruz. Et il était dans un bar où j'étais sorti tout seul. Genre, j'en avais marre d'écouter du jazz. J'avais trouvé un bar rock et tout. Enfin punk même, mais j'avais un peu raté tous les concerts il me semble, je sais plus très bien. Mais bref, j'avais rencontré ce gars, il m'avait payé une bière je crois, il était très sympa. Et le lendemain ou quelques jours plus tard, il m'avait dit qu'il y avait un concert de musique XP et tout. Putain, genre, j'étais trop content, parce que vraiment j'en avais marre d'écouter des trompettes, j'avoue. Et du coup j'étais trop content d'aller à un concert de musique noise et tout. Et du coup il m'avait dit c'est The Body, c'est mon groupe de noise préféré, c'est quoi ton groupe de noise préféré? Franchement c'est trop, j'avais trop à quoi dire. En tout cas c'est la première démo. Punk de l'émission. Ça m'a fait plaisir, j'ai retrouvé ça dans un carton que Antoine m'a filé en mode débarras. Oh! Pollas, c'est le titre. C'est dans un petit. C'est dans un petit maxi quoi. Je sais pas la pochette. Et juste après, c'est un groupe de Chemnitz. Dédicace à nos amis de Chemnitz en Allemagne. Ouais, à tous les Filipoyas qui nous gouvernent. Je sais même plus ce que ça veut dire, Filipoyas. Mais ça va pas être un mot gentil. Quoi que ça sonne plutôt sympa, je trouve. Chemnitz. Ça dans un concert de punk, je sais plus très bien en fait c'était quoi déjà ce concert. C'était au Bienvenu à Lyon, ce squat bien connu. Qui avait amené ça quoi? J'étais très étonné de voir cette cassette. Chemnitz est donc une petite ville connue pour sa grosse tête de Karl Marx. La plus grosse tête de Karl Marx du monde. Et aussi pour ses néo-nazis. Il y a une réputation de genre néo-nazi. Mais là je crois pas que ce soit du punk néo-nazi. Hein. Vous inquiétez pas. Enfin en fait j'en sais rien. Mais je crois pas. On va dire que non. Morceau issu de la mixtape de DJ Eric Sinistre, paru, enfin sorti par NGHE, donc si je ne m'abuse à Bruxelles, mais en vrai je m'en rappelle même plus, je crois que c'est à Bruxelles. Style guitare favorite, Eric qui a racheté notamment un stock de disques country et bluegrass et compagnie, hillbilly et tout ce qu'on veut. Les labels Cattle Records et Cowboy Girl Records, Cowboy Boy Records. Il y a plein de disques trop cool. Allez faire un tour sur le site santéloisirs.com. On écoute comment qu'il s'appelle. Il s'appelle Pete Drake et sa guitare parlante. And his talking steel guitar. 1 5. Cosmic Cassette. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas écouté un morceau de musique, musique des Andes. Donc là, ça vient d'Équateur, c'est la cassette Taki Unkui. Oui, avec la chanson Avisame tu nombre, je crois. Je peux aimer. I went to sleep, reprise des Beach Boys par Iko Cherry. Marie, la guitariste de Malfino, qui chante, qui fait de la guitare aussi, de l'orgue et tout, des drums et tout, avec James Ware, un autre gars, et c'est Marie, elle nous l'a filé parce qu'elle a joué à Lyon il n'y a pas longtemps avec Malfino. Antoine et moi, elle a filé une cassette, même deux, trop sympa. On n'a pas oublié qu'il faut qu'on lui en file une aussi. Moi j'ai pas oublié. C'est bientôt la fin de l'émission. là on écoute un extrait de la JJ Funhouse Christmas Compilation Volume 3 avec Aku. J'y pense parce que je l'ai vu en concert il n'y a pas longtemps à Grand Zéro avec Birbon Leilo et Raymond, un trio gagnant. Et voilà, c'est la compilation avec plein de trucs comme ça, trop. Thank you. super version, vous ne trouvez pas? Surtout cette partie. J'ai appris d'où venaient les boules de Noël dans une soirée. Pas celle où j'avais passé cette cassette, je crois, mais une autre. Ça vient des fruits. Et un jour, il y a une pénurie de fruits. Et un verrier ou une verrière, enfin une usine, quoi, ils ont eu l'idée de remplacer les fruits par des boules de verre colorées. Voilà la petite anecdote de Noël. Ça ne s'arrête jamais. Bon ben voilà, un dédicace au Père Noël, à Jésus. Maman, les paroles ne viennent que des fois. Est-ce que vous arrivez à chanter, c'est bon? Waouh, on est sérieux. Vous trouvez pas ça ouf? Surtout cette partie. Voilà, bon ben ciao, hein, je crois que je vais plus rien dire. Ah si, j'ai encore une cassette à annoncer. Hey hey hey snowflake, my pretty little snowflake. We know now that in the early years of the 20th century, this world was being watched closely by intelligences greater than man, yet as mortal as his own. We call for good night, good luck, Merry Christmas, and God bless all of you on the good earth. Hi-fi is for ear, lo-fi is for heart. Cosmic cassette. Arrêtez tout de suite la